La pendule bat trop lentement, plus le jour décline et plus je ressens un peu d'inquiétude, comme chaque fois que je t'attends.